L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Éric Simon. C'est l'une des questions les plus énigmatiques qui restent sans réponse aujourd'hui dans la physique des trous noirs. Que devient l'information sur l'état physique des particules qui sont absorbées par un trou noir ? La relativité générale dit que l'information est détruite. La mécanique quantique dit que toute information ne peut jamais être détruite. Il y a là une contradiction ou un paradoxe. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'information. Stephen Hawking a beaucoup travaillé sur ce problème, seul ou avec des collègues théoriciens. Il vient de proposer, il y a 2 jours, une nouvelle idée pour répondre à cette question lancinante. Hawking a proposé cette nouvelle idée mardi dernier à Stockholm au cours d'un séminaire organisé par la physicienne Laura Mersini-Houghton de l'Université de Caroline du Nord et par le KTH, Royal Institute of Technology, et l'Université de Stockholm. Y sont réunis une 30aine de physiciens théoriciens parmi les meilleurs spécialistes des trous noirs. L'idée de Hawking, qu'il a étudiée et développée avec les théoriciens Malcolm Perry de Cambridge et Andrew Strominger de Harvard, indique que l'information serait en fait bien préservée, mais qu'elle ne pénétrerait pas à l'intérieur de l'horizon du trou noir. Elle serait conservée, encodée, à sa surface sous la forme d'un hologramme à 3 dimensions. Rappelons que l'horizon d'un trou noir est l'endroit à partir duquel plus rien ne peut en sortir, et qu'un hologramme est une représentation d'un objet de dimension n dans un objet de dimension n-1. L'idée d'un hologramme à la surface des trous noirs est issue de travaux en théorie des cordes, où il avait été montré que l'horizon d'un trou noir peut contenir un hologramme à 3 dimensions, 2 dimensions spatiales et une de temps, qui représente parfaitement l'espace-temps à 4 dimensions de l'intérieur du trou noir. Par ailleurs, on se souvient des travaux pionniers de Jacob Bekenstein, récemment disparu, montrant que l'entropie d'un trou noir est proportionnelle à sa surface. Et entropie et information sont 2 entités identiques à une constante près, la constante de Boltzmann. La théorie résumée par Stephen Hawking mardi stipule que l'information quantique est stockée sur l'horizon du trou noir sous la forme de ce qui sont appelés des supertranslations. Les supertranslations ont été conceptualisées en 1962 et seraient ici un hologramme des particules tombant dans le trou noir. Elles en contiendraient donc toute l'information qui sinon serait définitivement perdue. D'après Andrew Strominger, on peut se représenter ce processus par une sorte de surface de photons située exactement sur la surface de l'horizon. Ils sont juste en équilibre entre la chute dans le trou noir et l'échappement. Quelle que soit la taille du trou noir, même lorsqu'il grossit, cette surface de lumière est toujours présente. À chaque fois qu'une particule quelconque traverse l'horizon, elle laisse donc une empreinte sur cette surface en modifiant légèrement l'ensemble de la surface de lumière qui se réarrange, produisant une supertranslation. Cette information pourra ensuite être renvoyée vers le reste de l'univers, bit par bit, lorsque le trou noir rayonne en produisant des fluctuations quantiques, ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking, mais dans une forme chaotique. L'information est donc bien toujours là. Mais dans la pratique, comme l'a dit Hawking, c'est comme si elle était perdue, car elle est inexploitable. Ou comment chercher la capitale du Minnesota dans une encyclopédie que l'on vient de réduire en cendres après l'avoir jetée dans la cheminée. Une belle image. Strominger précise que le grand challenge sera de démontrer que les supertranslations ont la capacité de stocker l'énorme quantité d'informations requises pour conserver non pas seulement une petite partie, mais bien tout le contenu avalé par le trou noir. Les physiciens espèrent bien que la résolution de ce paradoxe de l'information, si cette idée s'avère correcte, les aidera à comprendre comment fonctionne la gravitation aux échelles où la mécanique quantique gouverne. Stephen Hawking, lui, a promis la publication de la théorie avec tous ses détails dans quelques semaines. Il est donc probable que nous en reparlions bientôt. A très bientôt sur Ça se passe là-haut, restez à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Et d'ici là, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut !